Mickaël à la radio. Radio. Et vous savez que j'aime bien vous parler de cette grande émission qui arrive bientôt sur Plug RTL, les Ch'tis à Ibiza. Ouais, mais enfin, elle est tellement improbable cette émission, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui parle français. C'est vrai. Je sais même pas comment ils ont fait. C'est vrai. Et j'en ai encore la preuve cette fois-ci avec Kelly. Écoutez. Mes crises se déclenchent lorsqu'il y a une dispute, une contrariaison avec quelqu'un, une grosse contrariaison. Pardon ? Il y a une contrariaison. Deux fautes dans la même phrase, quoi. C'est quand même énorme. Parce qu'elle a des crises, mais elle n'a pas des crises d'asthme, elle a des crises. Ah, alors, réécoutez pour dire, ceux qui n'avaient pas percuté. Hein. Mes crises se déclenchent lorsqu'il y a une dispute, une contrariaison avec quelqu'un, une grosse contrariaison. Heureusement que t'es quand même là pour traduire parce que j'avais pas compris. Contrariaison. Non mais on se moque beaucoup des ch'tis, alors que en ce moment sur Plug il y a aussi les anges de la télé-réalité 3. Ah oui, c'est énorme. Hein. Ils sont partis à New York. Et dans les anges, ce sont tous des anciennes télé-réalités qui essayent de revenir. Hein. Donc on pourrait croire qu'ils savent ce que c'est d'être ridicule à la télé. Bah, faut croire que non. Hein. Cette tête ne m'est pas inconnue. Oui, tout à fait. Mais oui, bah évidemment, tout à fait. Mais quoi, il a fait la liaison et puis c'est tout. Voilà. Mais ne m'est pas inconnu. Et donc, c'est Kamel, il était dans Love Story 2 ou il charbonne un peu. Qui avait, c'est pas lui qui avait dit le team. Vous vous rappelez pas ça, Love non. Story? Mais oui, il avait lu une liste de courses, je me rappelle très bien. Et il avait lu team. C'est quoi ça le team? C'était du thym. Ah oui, d'accord. Okay, ouais. Donc, déjà à l'époque, il s'était fait une bonne réputation. Oui, c'est clair. Ouais. Bon, bah, cela dit, si vous voyez pas qui c'est, cherchez sur YouTube aussi. Hein. Donc, maintenant, vous allez voir que Kamel parle aussi très bien anglais. Hein. Ah bah, c'est mieux à New York quand même. Oui, hein. À New York, c'est mieux, effectivement. Ouais. Donc, on écoute maintenant comment il se présente. Quand tu dis hi, I'm Kamel. Quand tu dis genre nice to meet you, ça fait genre enfant. Nice to meet you. C'est rencontré. Hi, my name's Kamel. Ouais. Nice to meet you. Ah, donc c'est dur quand même. Ah oui, même les bases, il les a pas quoi. Ah ouais. Il a peut-être d'autres qualités. Bah c'est ça. Enfin, il y a quand même mieux, c'est quand Vendetta, oui, Mickaël Vendetta, donc pas le DJ David, hein, demande à Kamel de lui traduire une phrase. Alors écoutez la traduction. Tu peux lui dire qu'il peut s'entraîner parce qu'il a besoin d'exercice. You are very training because exercice. Yeah, because very meaning. Attends, comment est-ce que l'un qui parle pas peut demander à un autre qui parle encore moins de lui traduire une phrase? Tu peux lui dire qu'il peut s'entraîner parce qu'il a besoin d'exercice. You are very training because exercice. Yeah, because very meaning. Ok, super. C'est énorme. Because exercice, tu vas t'entraîner beaucoup. Attends, Julie, mais heureusement qu'on est là pour diffuser ça aux gens qui seraient passés à côté. Quoi. Ah, mais c'est ça, t'inquiète pas pour ça. Hein. Mais on sent que Vendetta il cartonne aussi hein, sur l'anglais. Ah oui, mais lui il doit être pas mal non plus. Hein. Disons que Vendetta connaît ses limites, tu vois. Alors il laisse faire les autres pour se ridiculiser. C'est là qu'il est un peu plus ouais. intelligent que les autres. Mais bon. Ouais. Bon, voilà, on reparlera tout à l'heure de la télé-réalité, évidemment, des anges de la télé-réalité et des ch'tis à Ibiza. Ouais, sinon, faut que je raconte vite fait l'affaire de Stéphanie. Oui, alors vite. C'est vrai. Non, mais c'est juste qu'en fait, Stéphanie, elle est allée dans une agence de mannequins en se disant. Stéphanie, c'est la liégeoise. Ouais, en se disant, je suis super bonne, les mecs, ils vont me prendre direct. Et en fait, le caster, il a fait des photos. Il a regardé les photos, il a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette tête? Mais tu ressembles à rien. Qui c'est qui t'a fait ta coloration? Mais t'es moche. Bon, allez, casse-toi. Et derrière, il y avait un mec qui les accompagnait, mais je sais plus qui c'est, qui est dans les airs et tout. Le mec, il le regarde, il fait, mais toi, tu es pas mannequin? Le mec, il fait, non, ça m'intéresse pas et tout. Non, mais viens, on va faire des photos. Et en fait, le mec, il l'a encensé. T'avais les deux, parce que t'avais Stéphanie et je sais plus, l'autre blonde des anges qui était là. Et les deux, elles avaient la tête jusque par terre. Ouais, c'était vénère, dégoûté. Tu penses. Ouais, et après, c'est pour se trouver une excuse. Ouais, il devait être homosexuel, le mec. Oui, bah oui, ça doit être ça, effectivement. Oui, le problème doit venir de là, certainement. Ouais. Et tu sais que j'ai une copine qui a eu la même histoire. Hein. Elle voulait aller dans une agence de mannequins, accompagnée d'une autre copine. Et c'est sa pote qui a été prise. Quoi. Ouais. Ah, mais ça arrive souvent, ça. C'est pour ça qu'il faut toujours aller accompagner quelqu'un. Comme ça, t'as plus de chances d'être pris que si tu vas toi-même. C'est toujours mieux. Mickaël à la radio. Salut Mickaël, c'est Alizé Poulicek. Je te verrais bien en Miss Wallonie, mais faudrait quand même refaire les dents, faudrait refaire le sourire, faudrait refaire les abdos, faudrait refaire les pectos. En fait, faudrait tout refaire. Mickaël. À la radio. Mickaël à la radio. Fun radio. Nous avons avec nous Sébastien Loeb qui est en direct de Charleroi pour le Mickaël Réveil la Belgique. Salut Sébastien Loeb, il est là. Il est à Liège. Ah, il est à Liège, je crois que c'était à Charleroi. Je suis là, mais là, franchement, je suis mal. Quoi. Je suis sur un balcon au 9e étage et je me suis rendu compte que j'avais le vertige. Et t'es où là? T'es au 9e étage de quoi? D'un building en fait. Je suis chez quelqu'un, Saint-Gilles, chez une auditrice. Ouais. À Saint-Gilles qui nous a dit de venir sur son balcon pour réveiller la Belgique. En fait. D'accord, ok, très bien. Ça va, 9e étage, c'est pas non plus la folie là. Non, franchement, là, ça doit faire quoi, 18 mètres, 20 mètres. J'ai difficile à regarder, quoi. Mais ce qui est bien, c'est qu'on l'entend, c'est qu'il est pas non plus, qu'il est pas au top de la forme, ouais. Bon, non, quand même. Eh bah écoute, voilà, je vais quand même crier pour évacuer tout ça, quoi. Voilà, bah on va réveiller Liège. Alors ce matin, Saint-Gilles, c'est ça? Oui, c'est ça, à Saint-Gilles, ouais. Et 99 FM pour écouter Fun Radio à Liège, n'hésite pas à le rappeler, hein, pour ceux qui connaîtraient pas, on sait jamais. C'est un immeuble de 9 étages, donc il y a beaucoup de gens qui à mon avis sont en train d'entendre là. Oh là là. Bonjour pour ceux qui ont leur radio, on sait jamais. Hein. Il y a quelqu'un, allez, regueule encore un petit coup là, hein. Montre quel est le patron là. Michael, sur Fun Radio, 6h30, le nom de notre femme, mesdames et messieurs. Et messieurs, on dirait un forain. Voilà. C'est un peu ça, oui. Ouais, c'est un peu ça. Encore ouais. Un petit tour sur le manège. Bon, ouais. Et ben voilà. On va faire aussi le petit coup du. On est bien sur les portes de fer. La semaine sur le manège. Bah là, on n'entend rien, Lob. Là, on n'entend rien. Je sais pas ce que t'as voulu faire, mais bon. C'était bien essayé, mais on a pas tout compris. C'est ça le dernier truc. Bah, y a pas de problème. Bon, voilà. Là, Liège est réveillé. Saint-Gilles à Liège est réveillé. On récupérera Lob pour un prochain réveil la Belgique à l'occasion. Si vous aussi vous voulez faire ça chez vous d'ailleurs, eh ben, n'hésitez pas, hein. Vous inscrivez 3044 par SMS. Vous débutez le message par réveil. Ou alors vous me faites un mail, michael@funradio.be. Bien sûr, on vous récompensera à un bon niveau si vous réveillez bien la Belgique comme il se doit, bien sûr. Michael à la radio. C'est Homer Simpson sur Fun Radio. Oh, alors comme ça tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein? Eh ben essaye de me réveiller déjà, espèce de petit. Michael à la radio. Michael à la radio. Le replay. Fun Radio. On va devoir appeler direction les Carolos, hein, puisque bah forcément c'est la grève des techs, hein. On va rappeler donc à Charleroi, hein. Bah oui, bah c'est faut prévenir les gens qu'il y a la grève. Bah oui, mais c'est normal. Donc voilà, donc on va appeler. Enfin, t'appelles pas vraiment pour prévenir les gens au final, hein. Non, pas se foutre de la gueule du monde, c'est justement. Vrai, j'appelle pour qu'on me dépose au dépôt parce qu'il y a barbecue avec les collègues aujourd'hui. Voilà, t'as pas un peu l'impression d'abuser quoi au final? Ah non, pourquoi tu dis ça? Non, je sais pas, pour ça, comme ça. Non, attends. Non, vraiment, j'ai pas d'idée. Bon, allez, on appelle, j'avais dit Marcinelle, on va à Marcinelle? Allez, Marcinelle. Et le temps que ça compose, je vous rappelle la petite énigme qui colle. Quand on joue, il faut la rattraper. Quand on la tire, il faut l'éviter. Ce n'est pas un ballon, c'est la petite cousine, puisque ça se met en règle générale dans les fusils. Voilà, ça se joue. C'est indispensable aussi pour jouer au football, par exemple, ou au tennis, ou même au basket. Ça se passe au 63-22 avec la bonne réponse. Si vous l'avez, justement, cette bonne réponse, c'est un euro le message, plein de cadeaux à gagner. On vous appelle peut-être dans 2-3 minutes. Bonne chance. Ah, attendez. Alors, on n'a pas fait le bon numéro si mes souvenirs sont bons. Je ne sais pas où on va, mais on y va. Allô? Allô, oui, bonjour. Oui. Oui, voilà, je vous appelle parce que je travaille à la tech. Pourquoi? Parce que la tech est en grève aujourd'hui. Et pas au bus à moi. Non, mais moi, oui, moi je suis chauffeur de bus. Et alors? Ben, et alors, je voulais savoir si vous pouviez m'emmener au dépôt. Si vous ne connaissez pas, monsieur. Oui, mais c'est pas grave, ça, on fera connaissance. Hein, vous me déposez, et puis moi, je vous paye, hein, comme ça, je vous mets une merguez à griller, on prend une petite bière, et puis on fait connaissance. Ah bah ouais, bah on va bien faire connaissance, là. Ça va pas être possible. Ah non, là, on va bien faire connaissance, ouais. Bon, bah c'est pas grave, on va rappeler, hein. Bah oui, tant bah, qu'elle ouais. M'a élevé. Bah c'est ça, hein, scandaleux. Bon, alors, attention, un petit pronostic, Julie, pour le deuxième appel. Bah comme d'habitude, j'ai envie de dire. Échec. Bah oui. Allez. Mais non. Bah je sais pas, on va voir, on rappelle. Marcinelle. Je suis pas certaine que les gens adorent les grèves. Ouais. Oh, excusez-moi, on a été coupé. Non, je disais. Allô? Oui, bonjour. Excusez-moi, j'étais avec monsieur au téléphone. Il a accroché. Mais c'est toi, monsieur? Bah, oui, non, je disais que, en fait, je pouvais vous offrir la merguez et une petite bière en arrivant là-bas. Hein. Si vous n'arrêtez pas, je vous téléphone à gauche. Hein, je vous téléphone à gauche? Mais qu'est-ce qu'il veut? Et je ne sais pas. Je vous téléphone à gauche. Ben oui, bah écoute, nous on va bien à droite, hein, si tu veux, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, je pense qu'il voulait dire qu'il m'a pris la priorité. Peut-être, mais je non, sais pas. Non, mais il vient de se réveiller, le pauvre, il ne sait plus ce qu'il dit. Bon, on va le rappeler, hein, comme il avait l'air en pleine forme, là. Hein. Oui. Allez hop là, direction Marcinelle, troisième vous appel. Vous n'avez aucun cœur? Non, pas du tout. Aucun. On commence avec le... La réponse, non, c'est pas ça, non. Excusez-moi, mais ça veut dire quoi, je vous téléphone à gauche? Ça finit, oui ou non? Bah, oui, mais dites-moi ce que ça veut dire, ce que ça veut dire, je vous téléphone à gauche. Ça veut dire que vous ne faites pas la peine, c'est pas de la police, hein. Ah bah oui, mais moi c'était juste pour vous offrir une merguez et une bière et vous le prenez comme ça, vous voulez appeler la police. Monsieur, c'est tout avec ça, hein. Enfin, monsieur, vous pourrez quand même en venir un voisin au travail, hein. Je vais aller gérer vos communications, hein, pour voir des musées, hein. Bah oui, comme ça vous pourrez les réécouter après, ça c'est sympa. Ah bah il est reparti, hein. Oui, il est nouveau reparti, c'est dommage. Il avait pas envie de l'enregistrer. Non, bah non, là non. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut.